Chapitre 11. Réception chez la Noyonne. Sa toilette. Ses offrandes aux idoles. Sa cour. Divertissement national. Comme je l'ai dit déjà, à notre arrivée à la Stavka, nous nous installâmes dans la maison où résident les fonctionnaires russes. J'occupais avec la Noyonne la chambre principale. Ma compagne était munie d'une infinité de petits colis que je vis déballer peu à peu. C'était toute une collection d'objets du culte que j'avais remarqué déjà dans sa demeure à Sarepta. J'allais en connaître l'usage. La Noyonne et sa suivante établirent bientôt, au fond de l'appartement, un petit autel où furent étalées, avec le plus grand soin, ses idoles favorites, spécialement vénérées par sa famille, des reliques, des talismans, des écritures sacrées et enfin une multitude de petits vases en argent. Note. Le lamaïsme admet une infinité de dieux. Fin de note. En guise d'offrande, sa jeune suivante remplissait ses récipients de koumis, d'arka, de thé, de mouton que tous les vassaux venaient humblement présenté à sa maîtresse. Chacun, homme ou femme, entrait dans l'appartement sans mot dire, s'avançait jusqu'au tapis, remettait son présent, puis inclinait avec respect la tête jusqu'au sol. Au plus distingué, la Noyonne tendait l'avant-bras, qu'il touchait avec la paume de la main. D'autres, sans recevoir cette faveur, se retiraient à reculons au fond de la chambre où tous restaient accroupis, immobiles, silencieux. De temps en temps, la Noyonne leur adressait de brèves paroles avec la dignité de son rang. Pendant plusieurs heures de la matinée, ce cérémonial et ses visites se prolongèrent. De temps à autre, la suivante prenait une écuelle pleine de viande ou de boissons et la présentait à ma noble hôtesse. Toute l'assistance se mettait alors debout. Lorsqu'un personnage de quelque importance entrait, la Noyonne se levait et tous en faisaient de même. Sur un geste d'elle, il allait s'asseoir non loin, sur un tapis réservé aux visiteurs de condition. Immédiatement, on lui donnait un bol de koumis ou de thé, comme je l'ai dit plus haut, préalablement nettoyé sous ses yeux par bienséance. La réunion était silencieuse. L'on n'y entendait que les quelques mots adressés à l'un ou à l'autre et les hoquets de l'assemblée. Que le lecteur pardonne ce détail intime. Si la conversation n'est pas de rigueur à une réception chez les Kalmouks, il y est, paraît-il, prescrit par les lois de l'étiquette de faire entendre bruyamment le fonctionnement de l'estomac qui digère. C'est une façon péremptoire de prouver que l'on est satisfait jusqu'à satiété de l'hospitalité reçue. Ces bruits réitérés après chaque libation furent pour moi, dois-je le dire, un sujet d'étonnement. Par intervalle, quelques-uns des premiers venus se retiraient pour faire place à de nouveaux arrivants. Enfin, la Noyonne, en se levant, donna le signal de la sortie générale. Toutefois, elle retint plusieurs femmes dont elle se fit accompagner pour faire une tournée dans les steppes. Suivie de cette petite cour composée de dames d'un certain rang, épouses de Zaizang, petite noblesse, elle se rendit d'abord à la maison que son frère avait fait bâtir pour une école et où sont logés, nourris et habillés une cinquantaine d'enfants des deux sexes. Ce local, en très mauvais état, était en réparation depuis assez longtemps. Et bien que l'employé perçût les fonds à cet effet depuis près de 2 ans, personne que lui, sans doute, n'en profitait. De nouveaux vêtements pour les élèves furent exhibés. De nouvelles promesses d'amélioration prochaine furent faites, dont la Noyonne dut se contenter pour l'instant. Elles furent encore réitérées par la mère de l'employé elle-même, surveillante de l'institution délaissée. Il n'y a guère à s'étonner des abus de ce genre. Les chefs sont loin et les inférieurs en profitent. Les Kalmouks ont, il est vrai, un délégué national qui prend à cœur leurs intérêts. Mais pendant qu'il est allé défendre, les injustices ne cessent de se commettre. En général, les fonctionnaires subalternes maltraitent rudement ces pauvres gens, surtout ceux qui n'ont pas les moyens de leur graisser la patte. Les Kalmouks sont souvent battus sans pouvoir se plaindre. En cela, les Russes agissent, d'ailleurs comme la plupart des Européens en Orient, qui, fort des privilèges dont ils y jouissent, ne se font pas faute d'accabler les indigènes. Loulous Malo Derbet compte 10 000 guerres, ce qui donne à 3 personnes chacune une population de 30 000 âmes. Une visite de la Nouillonne y est toujours une fête pour les malheureux auxquels elle ne refuse jamais l'aide qui lui est possible. Le cortège féminin qui s'avançait dans la plaine ne manquait pas de pittoresque. Toutes les dames d'honneur improvisées étaient coiffées du bonnet national qui, avec ses galons d'or et d'argent, sa garniture en soie rouge effilée, étincelante au soleil, avait assez l'air d'un casque guerrier, comme l'avait peut-être porté, jadis, la géante Koubou Chatine, à la recherche de son époux Olon Rassar. Toutefois, aucune de ces matrones ne semblait devoir jamais devenir l'héroïne d'une légende. Les habitantes des guerres attendaient sur le seuil et s'inclinaient sur le passage de la suzeraine. Celle qui avait une grâce à demander courbait le front dans la poussière, posant à ses pieds leur matchlaï, ce qui est encore une marque de déférence extrême. Quelques-unes lui présentèrent de petits cadeaux, entre autres des galons d'or et d'argent tissés de leurs mains et ressemblant à ceux que façonnent les circassiennes du Caucase. Le métier dont elles se servent consiste en deux lattes rapprochées entre lesquelles est fixée une trame en soie noire qu'elles entremêlent de fils de l'un ou de l'autre métal. Elles composent des dessins avec ce galon appliqué. Ainsi, tant de simplicité dans les mœurs, tant d'ignorance du moindre confort, ne les empêche pas de confectionner des superfluités de luxe. Cela prouve que la coquetterie féminine existe même chez les plus primitives et qu'elles ne négligent rien pour augmenter le prestige de leur beauté. Elles avaient toutes un maintien obséquieux et humble. En général, ce peuple a plutôt le caractère craintif de l'opprimé que l'orgueilleux caché de la liberté et du courage. La promenade terminée, la Nouillonne revint au logis, suivie de plusieurs femmes qui s'étaient trouvées sur son chemin. Elle reprit sa place sur le tapis. Sa suite l'imita, restant à une distance respectueuse au fond de l'appartement. Le dîner fut servi. La suivante mit devant la suzeraine un petit banc, chiré, sur lequel elle posa un plat, tarak, en bois, de la forme d'un compotier, plein de moutons bouillis, coupés en gros morceaux. Se servant de ses doigts et du petit couteau, outra, que tout Kalmouk porte sur lui, la pieuse grande dame dépeça la viande et la mit dans un vase propitiatoire que la jeune fille lui présenta et déposa ensuite sur l'autel voisin. Cela fait, elle mangea de très bon appétit une énorme quantité de mouton arrosée de plusieurs écuelles de bouillon dont il fut aussi fait offrande aux dieux. Comme serviette, elle se servait d'un mouchoir de coton en couleur placé sur le banc à côté du plat. On fait une distribution de ce mets unique aux femmes présentes. Comme marque de distinction, la Nouillonne offrait à quelques-unes d'elles un os déjà presque dépouillé, et que l'inférieur recevait de la main de la suivante en remerciant par une profonde inclination. Le repas terminé, les femmes restèrent silencieusement accroupies pendant que la noyonne faisait ses dévotions, balbutiant des prières et roulant entre ses doigts un rang de perles. Note. Les Kalmouks partagent avec d'autres orientaux l'habitude d'égrener des perles en priant ou en causant. Fin de note. La fin du jour surprit l'assistance dans la même posture et dans le même silence. Je fus stupéfaite d'une telle puissance d'immobilité. Mais pour les Kalmouks, cette attitude semble être la plus enviable. Le soir, toutefois, vint faire diversion et la gaieté atteignit le plus haut diapason quand la noyonne invita la compagnie à se livrer à la danse. Les maris, les frères et les amis s'étant joints au groupe féminin, le bal fut bientôt au grand complet. Ce milieu national est plus propre à donner l'idée des mœurs mongoles restées pures de tout mélange parmi les Kalmouks. Un intermède musical égaya aussi cette fête improvisée. Si le talent des exécutants faisait défaut, ils avaient droit, par leur bonne volonté, leur entrain à toute indulgence par les sons discordants de leur voix. Comme toutes les danses asiatiques, celle-ci était une représentation de gestes et de poses plutôt que de pas exécutés. La mimique du cavalier est la plus animée. Pour sa partenaire, les longues manches de la robe, bercée, jouent un grand rôle. Elle débute en cachant ses mains dans ses manches, dont elle retient le bout. Puis elle étend le bras, fait des mouvements lents, gracieux, rappelant les ondulations du col du cygne. Pour l'inviter, le cavalier lui touche l'avant-bras. Puis ils se placent vis-à-vis l'un de l'autre, la danseuse répétant les pas du danseur. Cette chorégraphie s'exécute entre plusieurs couples ensemble ou par un seulement. L'orchestre gâte tout ce qu'il y a de gracieux, d'harmonieux dans ses pas, car l'exécution musicale est tout à fait disparate et l'euphonie barbare. L'instrument national est une espèce de guitare à deux cordes, dombar, aux sons aigus et grinçants. Puis vient une sorte de violon dont les hommes et les femmes raclent à tout hasard pour accompagner le dombar. Les virtuoses posent l'instrument par terre comme un violoncelle, puis se penchent dessus, remuant avec force l'archet. Les deux cordes du violon et celles du dombar sont souvent humectées avec de la salive. Un temps infini se passe à essayer d'accorder ces instruments inaccordables. On songe alors à ces époux désunis qui, en se querellant, ont vociféré sur tous les tons, s'éloignant de plus en plus de celui qui pourrait amener l'harmonie dans le ménage. Le chant kalmouk est mélancolique, monotone, et les chanteurs valent les instrumentistes. Cependant, la langue, bien que gutturale, n'est pas désagréable à l'oreille. On remarque dans l'idiome des terminaisons et même des mots de consonance allemande. Ainsi, soleil se rend par Narren, lune par Sarensar, étoile par Oden, je se dit Bi, oui E, non Uga. Le Kalmouk et le Mongol sont l'un à l'autre comme l'anglais est à l'allemand, le français à l'italien, tous deux faisant partie de la même famille de langues. Fin du chapitre 11.